99 boulevard Bastien, Wendake via Robert Bourassa Nord. 88 842 2734 pédalier.ca. CKRL HD. Une radio haute décibels. La Barberie est heureuse de souligner à sa façon les 40 ans de CKRL. Écoutez, mes bons amis, la chanson que je vais vous chanter, c'est à propos du radio. Je vais tout vous raconter. En 1973, dans une université, il y a des petits jeunes qui ont pensé qu'une radio, c'est une bonne idée. À cette heure, en 2013, est arrivé à maturité. C'est une belle grande radio qui fait toujours notre fierté. La Barberie est fière complice de CKRL. Depuis 15 ans.

Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Le Centre Espoir Charlebourg est au service de toutes les personnes touchées de près ou de loin par le cancer. Il vous offre en toute confidentialité et à votre rythme des rencontres individuelles, de couple ou de groupe, de l'écoute téléphonique et des visites d'accompagnement à domicile. Participez à notre campagne de financement pendant les mois d'avril et mai en appelant au 418-623-7783 ou par le site internet centreespoir.com. Un reçu pour fin d'impôt vous sera émis. La solidarité est importante pour vaincre le cancer. L'événement Québec Danse à Québec revient en force pour sa deuxième édition qui sera présentée du 22 au 29 avril. Une trentaine d'activités presque toutes gratuites, prenant la forme de spectacles, de démonstrations ou encore de classes d'initiation, seront offertes en divers lieux de la ville. Le Musée national des beaux-arts du Québec, le Musée de la civilisation, le parvis de l'église Saint-Roch, Méduse, diverses écoles de danse et même les traversiers Lévis-Québec seront les lieux privilégiés par les artistes, chorégraphes, compagnies, troupes et écoles. Consultez la programmation complète de l'événement sur le site du Conseil de la culture ou culture-québec.qc.ca/Québec Danse. Quand la chair et le carton pâte se rencontrent, tout peut arriver. Du 23 avril au 18 mai, le Théâtre du Trident présente Les Enrobantes, cabaret décolleté pour psychanalystes plongeants. Un texte de Marie-Christine Lihu, d'après une idée originale de Pierre Robitaille dans une mise en scène de Bertrand Allain. Un spectacle croustillant de marionnettes pour adultes qui en étonnera plus d'un. Informez-vous au 418-643-8131 ou letrident.com. Ce Barberie Pictures présente Chérie, j'ai réduit la Chardonnay. Version québécoise de Honey's H. Rose Chardonnay's. Inspiré d'une histoire vraie, en haute dégustation, un brasseur audacieux trouve un moyen de réduire le format d'une bière en utilisant une bouteille plus petite. Michel Marcoux, acteur jamais nommé aux Oscars, est le brasseur Martin Paradis. J'ai une idée, on va prendre une bouteille plus petite. Il est aussi Bastien Tétu, le chef des embouteilleurs. Ok la gang, on prend une bouteille plus petite. Michel Marcoux également dans le rôle de Sonia Terrien, la représentante. Regardez, le nouveau format va très bien sur la tablette. Michel Marcoux est aussi Michel Marcoux. Maintenant disponible dans un dépanneur près de chez vous. Thank you.

It's le groupe américain Fido, tiré de leur plus récent album Snow Torch. C'était Snow Torch 2. Et c'est l'émission Terra Incognita, donc à CKRL. Et Bruno est au choix musical ce soir. Et Marc Chouinard qui vient de se joindre à vous, à l'équipe, pour vous présenter ce rock progressif d'aujourd'hui. Alors, juste avant, il y avait eu Wobbler. Ensuite, Ignatius, Majestic Glass, et on vous invite à venir faire un tour sur le site, la page web de Terra Incognita pour avoir les listings. Alors, tout ce qu'on fait jouer, on y va. Fido, qui sera en spectacle à la convention Terra Incognita le 18 mai prochain au Centre d'art La Chapelle, entre autres, ça fait partie de la convention. Il y a plusieurs groupes, et il y a aussi RPVL qui fait un spectacle le 20, donc lundi le 20 aussi, dans l'après-midi. Manquez pas ça, il reste des billets pour ce spectacle. Alors, on y va tout de suite avec Minimum Vital de la France. C'est un album Les Saisons Marines, réalisé en 87. Ensuite, on aura Bright Eye Bryson, Adria Space Folk. On aura les Flower Kings, Il Tempio delle Clessidre, Mystery et Ornitos dans les minutes qui suivent. Alors, c'est Bruno au choix musical pour Terra Incognita. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Hi, c'est KRL. Québec. Le 2 mai, le Palais Montcalm vous offre le meilleur du jazz avec Dion Reeves. My God, give me a wheel. Ooh, and a boy. I can make a difference. digne héritière d'Ella Fitzgerald et de Sarah Vaughan, Diane Reeves est considérée comme la plus grande chanteuse de jazz au monde en ce moment. De passage à Québec pour un soir seulement, elle vous offrira une soirée flamboyante de jazz et de R&B. Le 2 mai, vivez la musique à son meilleur avec Diane Reeves. Détails au palaismontcalm.ca. Ici Marc Gourdeau, directeur général et artistique de Premier Acte. Premier Acte tient le dimanche 5 mai à 18h au Musée de la Civilisation, sa traditionnelle soirée bénéfice, un événement festif et convivial, un match d'improvisation de théâtre de marionnettes. Chaque année, plus de 100 jeunes artistes participent et bénéficient d'une façon ou d'une autre au travail de Premier Acte. Joignez donc l'utile à l'agréable. Appuyez la relève théâtrale tout en assistant à une soirée haute en couleurs. Cette soirée est présentée sous la présidence d'honneur de M. Guy Turgeon, président de Thermeka Service de Génie, avec la collaboration de la SAQ, de Pastissimo Traiteur, de Bière Boréale et de Érico Chocomusée. Renseignements et réservations, 418-694-9656 ou premieracte.ca. Le 11 mai, le Palais Montcalm vous offre le meilleur du folk avec les Cowboy Junkies. C'est un subtil mélange de folk et de country aux influences rock que vous propose le mythique groupe canadien lors de son passage dans la capitale. Nouvelles chansons et grands succès vous seront offerts par la voix douce et chaleureuse de Margot Timmins. Le 11 mai, vivez la musique à son meilleur avec les Cowboy Junkies. Détails au palaismontcalm.ca. Fais attention, parce qu'une fois sur ton dos, le nouveau T-shirt édition 40e anniversaire de chez KRL va te faire des belles courbes. Un peu comme Beyoncé. Il n'y a pas 56 000 façons de l'avoir, il est en vente ici, à CKRL, à 20$. Seulement 20$, c'est pas cher. Viens chercher. 405, 3e avenue, Limoilou. Je t'attends. Salut. Maintenant, à la Barberie, en plus des 9 bières en fût, une bière en bouteille est servie au bar. On pige dans des cuvées spéciales, des bières rares, des bières vieillies. Mais allez-vous servir des bières ordinaires? Des bières ordinaires à la Barberie. Non. Mais des régulières, alors? Oui. Pour connaître la bouteille du jour, de la semaine ou du mois, consultez notre menu à labarberie.com ou sur notre page Facebook. Cette soirée vous est présentée par La Barberie. Le 11 mai, le Palais Montcalm vous offre le meilleur du folk avec les Cowboy Junkies. C'est un subtil mélange de folk et de country aux influences rock que vous propose le mythique groupe canadien lors de son passage dans la capitale. Nouvelles chansons et grands succès vous seront offerts par la voix douce et chaleureuse de Margot Timmins. Le 11 mai, vivez la musique à son meilleur avec les Cowboy Junkies. Détails au palaismontcalm.ca. Pour la dernière séance du ciné-club Spirafilm au Cégep Limoilou, venez rencontrer le réalisateur Raphaël Ouellet. Il nous présentera New Denmark, un film jamais présenté à Québec. Rendez-vous le 29 avril à 19h à la salle Sylvain-Lelièvre du Cégep Limoilou. Le Ciné-Club Spirafilm est présenté en collaboration avec le Service d'animation socioculturelle du Cégep Limoilou, le MCCCF, Télé-Québec, montlimoilou.com, chez Fratelli, le Bal du Lézard et CKRL. Pour plus de détails, spirafilm.com. 89 ans. L'autoroute, animée par Stéphane Villeneuve, les samedis, minuit. Le Bal du Lézard, une véritable institution depuis 1985. Le bal en a vu passer du monde dans son bar. Des blancs, des bleus, des verts, des gris, des gros, des petits, des pas fins, des fins, des belles, des beaux, des chanteurs, des danseurs, des improvisateurs, des stars de Montréal, des stars de Québec, des DJ, des musiciens, des has-been, des old school, des disco, des new way. Le Bal du Lézard vous propose des 5 à 7 animés tous les jours. Un choix de 8 bières pression, une vingtaine de vodka, une dizaine de scotch de qualité supérieure et des spectacles tous les samedis. Le Bal du Lézard, 1049 3e Avenue, Limoilou. Lebaldulézard.com. Présentez votre carte de membre de CKRL et obtenez 10% de rabais chez Si on le disquaire, 1149 Avenue Cartier, la boutique Alpaga. Gardez toujours votre carte de membre de CKRL sur vous. On ne sait jamais, ça peut être payant. Vous écoutez CKRL HD, une radio haute décibels. La Barberie est heureuse de souligner à sa façon les 40 ans de CKRL. Écoutez, mes bons amis, la chanson que je vais vous chanter, c'est à propos du radio, je vais tout vous raconter. En 1973, dans une université, il y a des petits jeunes qui ont pensé qu'une radio, c'est une bonne idée. À cette heure, en 2013, est arrivé à maturité, c'est une belle grande radio qui fait toujours notre fierté. La Barberie est fière complice de CKRL depuis 15 ans. Che non è già più. Cerchi sterrato, gocce d'assenzio per un mondo ritrovato, sta aspettando me, ora aspetta me, con la vaga percezione di quello che non c'è. Inoltre nell'ignoto, tutto ciò che provo è filtrato dall'inganno di un'intelligenza ambigua e misurata. Personnel. There's a rumor coming from the land where no one's gone before. This world is coming to an end. Take a second glance at the photographs hanging on the wall. What was left there to pretend? I sit and watch the day go by and long for better days. I pray and wait and time goes by. Just give me one more day. Getting Hoping for another